Bonjour, ici Valérie Levé et Samuel Lauzon. Vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre magazine de culture scientifique hebdomadaire. À 18h30, il sera question d'hydrogène naturel, un hydrogène qu'on n'aurait pas besoin de produire puisqu'il se trouve sous nos pieds, dans le sous-sol. Reste à savoir où et en quelle quantité. On en parle donc à 18h30. Et pour le moment, ce sont les profondeurs de notre cerveau que nous allons explorer. Notre cerveau est plein de matière grise et de matière blanche, mais nous sommes loin d'en connaître le fonctionnement et ça reste à bien des égards une boîte noire. Alors peut-être, l'intelligence artificielle qui se faufile un peu partout pourrait cependant nous aider à décortiquer le bon et parfois le mauvais fonctionnement de notre cerveau. C'est ce que va nous expliquer Maxime Cusick, étudiant au doctorat en médecine moléculaire au laboratoire de Steve Lacroix à l'Université Laval. Bonjour Maxime. Bonjour Valérie. Et bon retour à Futur Simple. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors en fait, on va avec une question de base, Maxime, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est assez vague, donc est-ce qu'on peut définir brièvement ou rappeler brièvement ce qu'on entend par intelligence artificielle? Oui, certainement. Donc, je vais définir là, très brièvement c'est quoi un peu l'intelligence artificielle, puis aussi là, nous guider un peu dans quoi on va parler aujourd'hui. Donc, l'intelligence artificielle, ça va en fait référer à la capacité d'une machine à résoudre un problème. Alors, même si des fois on pense à l'intelligence artificielle, on a tout de suite dans notre tête des images Terminator, mm-hmm. puis des robots super intelligents, ben c'est pas nécessairement ça. L'intelligence artificielle, c'est définitivement pas ça qui va nous aider à comprendre les neurosciences. En fait, quand on pense à l'intelligence artificielle, on a aussi une intelligence qui va nous permettre de jouer aux échecs. Par exemple, quand on joue aux échecs sur l'ordinateur, puis que l'ordinateur répond aux mouvements, ben c'est une forme d'intelligence artificielle. Puis à l'intérieur de ça, ben il y a deux grandes catégories. Donc, il y a le machine learning, puis il y a le deep learning. La différence entre les deux, c'est que le machine learning, il faut une implication là, de l'humain pour l'aider à apprendre. Par exemple, c'est ça qu'utilise Netflix ou Spotify pour nous proposer des nouveaux films mm-hmm. ou des nouvelles musiques qu'on veut écouter. Donc, il apprend d'après ce que nous, on a l'habitude d'écouter. Eh bien, donc là, la machine, elle apprend ce qui pourrait bien nous plaire. En plein ça, mettons que Spotify dit « Ah, telle musique, peut-être que tu l'aimerais. » On clique dessus, on l'ajoute à notre playlist. Ben « Ah, ça, c'est une bonne idée. » Donc Spotify va proposer d'autres musiques qui ressemblent à celle-là. Mm. Puis le deep learning qui est un peu plus complexe, puis lui, il s'agit en fait de lui donner une quantité très importante d'informations, puis cette machine-là va finir par apprendre plus ou moins d'elle-même là, sans l'apport d'un humain. Ah oui, d'accord. Et puis ChatGPT là-dedans, ça se trouve où? Donc ChatGPT, ça serait justement là un peu plus du deep learning. Où est-ce que les scientifiques qui ont travaillé dessus ont appris à la machine à communiquer en quelque sorte? Ils lui ont donné une quantité phénoménale d'articles, mm-hmm. de livres et de toutes sortes. Puis maintenant, quand nous, on lui pose une question, ben, elle est capable de nous répondre, puis de donner, on l'espère, la bonne réponse. Alors, ce fonctionnement-là que tu décris de l'intelligence artificielle, est-ce que ça fonctionne un peu comme le cerveau humain? Eh bien, c'est une très bonne question et je dirais que c'est sûr que les neurosciences ont eu un impact assez important dans la création de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que moi, ça m'a le plus frappé, le côté ressemblance, c'est au niveau du deep learning. Pourquoi? Parce que le deep learning, c'est une machine, en fait, qui utilise carrément un réseau neuronal artificiel. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir là, plusieurs, ce que moi j'ai lu, des unités computationnelles qui agiraient un peu comme des neurones, qui sont connectées entre elles en plusieurs couches, et que toutes ces couches-là ensemble, ça va créer la machine de deep learning, donc c'est un peu comme une oignon. Et puis, en fait, c'est comme ça que notre cerveau marche. Par exemple, je sais pas moi, on rentre dans une boulangerie, puis notre cerveau, lui, il sait pas, ultimement, c'est un organe qui est dans une boîte noire dans notre cerveau. Donc, le cerveau va se fier sur des indices de son environnement, par exemple l'odeur, par exemple on voit du pain, on va toucher à une baguette de pain, peu importe, puis le cerveau va prendre ces petits bouts d'informations-là qui tranquillement vont monter les couches du cortex, ah ouais, jusqu'à former un ensemble de données que le cerveau va intégrer et dire « Ok, on est dans une boulangerie, ça sent le pain », et ainsi de suite. Donc, c'est un peu plus ou moins comme ça que le deep learning fonctionne. On s'entend, je reste là très de base dans l'explication, mais exemple, si on demande une information à la machine de deep learning, eh bien, elle va aller chercher des indices à gauche et à droite dans l'information qu'on lui a donnée. Elle va ensuite l'intégrer jusqu'à consolider une réponse. Donc, ça va monter là, les différentes couches. Puis ensuite, l'humain va dire « t'as raison ou t'as tort ». Puis dépendamment de ça, les connexions qui ont été formées pour mener à cette réponse-là, ben si c'est la bonne réponse, ces connexions-là vont être renforcées. Ah ouais. Si c'est la mauvaise réponse, ben ces connexions-là vont être pas perdues, mais t'sais, diminuées en importance jusqu'à temps qu'on ait la bonne réponse. Ah, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a comme une similarité aussi, sauf que les connexions, c'est peut-être bon au niveau de l'informatique, et nous, c'est plus physiologique, mais il y a aussi un renforcement des connexions, mais de façon physiologique. Exactement, c'est en plein ça. Puis je reste très de base là, dans cette explication-là, mais certains scientifiques là, aimeraient utiliser des contextes de psychologie comme punition et récompense, ou encore intégrer des concepts de mémoire là, là-dedans pour aider l'intelligence artificielle à mieux comprendre son environnement. C'est vraiment intéressant. Donc, on s'appuie sur le fonctionnement du cerveau humain pour bâtir l'intelligence artificielle, mais en retour, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à comprendre, à faire avancer les connaissances en neurosciences? Eh bien, très certainement. Dans le fond, un des principaux avantages de l'intelligence artificielle en neurosciences, c'est que ces machines-là, ils sont faites pour gérer une quantité phénoménale de données et identifier des patterns, en fait, dans ces données-là. Par exemple, aujourd'hui, on va beaucoup parler d'imagerie par résonance magnétique. Il s'agit, en fait, à étudier le cerveau, à prendre des images là, à l'aide d'une machine assez complexe. Puis, on va avoir des images du cerveau, puis à partir de là, on peut dire si on peut poser un diagnostic ou essayer de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. On s'entend, il y a énormément de ces images-là qui sont prises depuis le temps. Puis maintenant, avec l'ordinateur de plus en plus important dans la vie des scientifiques, aussi, on met de plus en plus d'importance à partager nos données, donc le libre accès, les banques de données sont de plus en plus organisées. Donc, les scientifiques ont accès à des quantités phénoménales de ces images-là. Par exemple, on parle de plusieurs centaines de milliers. C'est donc possible de donner les images à des machines de deep learning qui vont être capables de les processer, puis de dire, exemple, si un cerveau est malade versus un cerveau sain. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Eh bien, très certainement. Le premier exemple, celui qui m'a le plus frappé, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter les tumeurs cérébrales, donc les formes là, de cancer au cerveau. Il faut savoir que jusqu'à présent, la meilleure façon de détecter un cancer du cerveau, ou en fait plutôt de confirmer le cancer du cerveau, c'est avec une prise de biopsie. Donc, il s'agit d'ouvrir le crâne, d'aller chercher une portion de cette tumeur-là, puis de l'analyser. Donc, on s'entend que c'est une technique là, qui est très invasive, très complexe, puis qui a un risque assez important. Fait qu'on veut se tourner vers autre chose, dont l'imagerie à résonance magnétique. Puis, en fait, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour non seulement avoir des plus belles images, mais aussi pour aider à identifier des éléments clés qui vont aider le ou la médecin à donner un diagnostic, là, en fait. Donc, comment ça marche? Ça veut dire que bon, l'intelligence artificielle va décortiquer l'image, va analyser, puis elle va avoir appris d'après d'autres images qu'on lui a déjà données. On lui dit, ben là, dans telle image, il y a une tumeur. Donc, tâche de voir si dans cette nouvelle image, il y a aussi une tumeur. C'est exactement ça. Donc, de façon le trait de base, les scientifiques ont une banque d'images d'IRM où la personne a eu un cancer confirmé. Donc, ils vont lui dire, ça, c'est des images de cancer. Et à côté, ils vont avoir des images d'un cerveau sain. Ils vont dire, là, il n'y a pas de cancer, et ensuite ils vont apprendre à la machine à identifier des éléments dans ces images-là qui vont lui permettre de distinguer entre un cerveau malade puis un cerveau sain. Donc, qu'est-ce que la machine a fait une fois là, qu'elle a appris tout ça? Il y a trois étapes principales. Donc, d'abord, elle va décortiquer la photo prise en IRM en petites images. elle va ensuite augmenter la qualité de cette image-là. Par exemple, elle va la dépixeliser. Mm-hmm. Elle va essayer là, de retirer certains défauts dans l'image pour avoir quelque chose de clair. Puis ensuite, l'image elle va passer à travers une série de 19 couches, qui sont là les couches dont je parlais tout à l'heure, qui vont intégrer petit à petit des éléments clés de l'image jusqu'à consolider tous ces éléments-là et dire « Ah ben, oui ou non, il y a une tumeur, et est-ce que la tumeur est de grade 1, 2, 3 ou 4? » Puis, je dois admettre que c'est très difficile là, de dire exactement qu'est-ce que la machine intelligence artificielle détecte. Mais historiquement, les radiologistes peuvent regarder des choses comme une perméabilisation de la barrière hématoencéphalique. Ils peuvent voir les différences là, au niveau du flux sanguin. Et par exemple aussi, s'il y a une densité là, plus importante de tissu, ça, c'est des choses qu'on peut voir en IRM. Donc, il serait vraisemblable que les scientifiques apprennent à l'intelligence artificielle à détecter ces choses-là. Ah oui, vraiment. Donc, mais est-ce qu'il y a un risque de faux positif? Là, tu nous dis, Maxime, la machine va apprendre, bon, d'après des images qu'on lui fournit, va apprendre à détecter une tumeur. Est-ce qu'il y a un risque de faux positif, qu'elle détecterait une tumeur là où il n'y en aurait pas, puis qu'on dise à la personne, ben là, vous avez une tumeur alors qu'elle n'en aurait pas? Eh bien, c'est sûr que oui. C'est sûr qu'il y a tout le temps une chance que l'intelligence artificielle se trompe. Il faut également savoir là, que les cas dont je vous parle aujourd'hui, ce sont des cas là, qui sont encore au niveau de la recherche, donc il reste encore beaucoup de peaufinage avant d'amener en clinique. Mais par exemple, une étude a démontré que la machine a raison dans à peu près 87 à 93% des cas. Donc, il y a de 7 à 13% de chances que la machine se trompe. Puis, encore plus surprenant, ils ont montré des images de cerveau là, avec une tumeur à des radiologistes, puis ils ont truqué la machine pour qu'elle dise que c'est vrai. Peu importe l'image, elle va dire qu'il y a un cancer. Puis, en faisant ça, les médecins étaient plus, incités à se tromper que les médecins qui n'avaient pas l'aide de l'intelligence artificielle à ce niveau-là. En revanche, par contre, quand la machine donne la bonne réponse, les médecins étaient plus précis pour donner là, leurs résultats. Donc, cette étude-là a montré qu'il faut tout le temps faire attention, par exemple, à une machine qui va pas donner de peut-être. C'est soit il y a une tumeur, soit il n'y en a pas. Mais il faut aussi savoir, là, bien entendu, ça, c'est dans le contexte d'une recherche, puis il y a souvent d'autres tests qui peuvent être faits en parallèle auxquels là, les médecins n'avaient probablement pas accès à ce moment-là. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs indices qui vont amener au diagnostic, finalement. C'est pas juste un indice. D'accord. Aussi, pour en revenir à ChatGPT, là, donc depuis que cet outil est apparu, les possibilités de l'intelligence artificielle, elles semblent infinies. Est-ce qu'il serait possible d'aller détecter une maladie neurodégénérative avant même l'apparition des premiers symptômes? Oui, ce serait tout à fait possible. En fait, c'est des choses là, qu'on voit de plus en plus du côté des maladies neurodégénératives. Ce qu'il faut savoir avec ces maladies-là, c'est que souvent, elles vont être diagnostiquées à un stade où il y a déjà des dommages qui ont été causés au cerveau, mais d'un autre côté, tu sais, le diagnostic commence juste à partir du moment où on se présente en clinique parce qu'on remarque quelque chose qui est pas correct. Mais souvent, les dommages vont commencer avant ça. Puis, il y a des choses de, tu sais, il y a des dommages là, qui peuvent déjà être faits puis qui sont possibles de détecter. C'est un peu le cas là, de la maladie de l'Alzheimer, justement, où est-ce qu'il va y avoir une mort neuronale au niveau du cerveau. Puis, une équipe a été capable de détecter de comparer des cerveaux de patients atteints de l'Alzheimer puis des patients qui ne l'avaient pas, puis la machine était capable de discerner les deux types de cerveaux. Donc, on pense là avec ces recherches-là qu'on serait capable de détecter une mort neuronale bénigne avant même l'apparition des symptômes, puis potentiellement là, essayer de traiter la maladie à l'avance. Mais encore faut-il qu'il existe un traitement pour des symptômes aussi précoces. En fait, un état de la maladie aussi précoce, sans symptômes, là, la personne ne sait pas, ne ressent rien du tout, mais donc l'imagerie détecte que quand même il y a cette anomalie d'Alzheimer. C'est intéressant de la détecter si on a des traitements pour la traiter, sinon c'est un peu embêtant parce qu'on dit à la personne, ben là, tu as l'Alzheimer, mais elle n'en a aucun symptôme, elle n'en souffre pas. Donc, si on n'a pas de traitement pour la traiter, c'est une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête. Là, c'est pas très confortable. C'est tout à fait vrai. C'est sûr que, comment je pourrais dire, dans des fois, en tout cas, je vais parler pour la sclérose en plaques, là, qui est la maladie sur laquelle je travaille, que je connais le mieux. Les médecins s'entendent pour dire que plus on traite la maladie tôt, plus on a de chances de réduire sa progression. Mm-hmm. C'est sûr que pour la sclérose en plaques, on a des traitements. Pour l'Alzheimer, j'avoue qu'on a beaucoup moins de traitements. Mais je suis vraiment pas un expert, mais si je me fie à la sclérose en plaques, peut-être qu'en donnant les traitements qui soulagent les symptômes, plutôt on arriverait à, comment je pourrais dire, réduire l'impact de la maladie en quelque sorte. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est très difficile de... pour faire ces tests-là, puis en fait, là, c'est avant même l'arrivée de l'intelligence artificielle qu'on a ce dilemme moral-là. Si on pense, par exemple, à la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative fatale, on n'a aucun traitement pour cette maladie-là, puis son plus grand problème, entre guillemets, c'est que c'est une maladie génétique dominante. Ouais. Donc, ça veut dire que si on est porteur du gène, on est sûr d'avoir la maladie. Puis, on a 50% de chances de la transmettre à nos enfants, mais puisque c'est une maladie qui commence environ à 40-50 ans, les symptômes, ben, on a le temps, tu sais, de se faire une vie et autres. Fait que c'est un débat, là, qui est très en vigueur dans cette, dans cette maladie-là. Puis, ça relève, là, beaucoup de la bioéthique, en fait. Ouais, c'est délicat comme question. Est-ce qu'on dit aux gens ou est-ce que les gens veulent le savoir? Ben, ça, je pense que c'est un choix individuel. Tu sais, en bioéthique, on dit surtout que c'est très important de, quand on fait quelque chose, il faut que ça ait le maximum de bienfaits avec un minimum de méfaits, en quelque sorte. Puis, surtout, il ne faut pas volontairement comme causer du mal. Mais en mettant ces deux arguments-là ensemble, il faut peser le pour et le contre, en fait. Donc, comment je pourrais dire? Présentement, il faut savoir qu'il n'y a pas de règles qui obligent à passer un test génétique pour la maladie d'Huntington, ni qui oblige une personne qui sait que la maladie à le divulguer, en fait, à ses proches. Donc, rendu là, c'est un choix individuel à la personne qui, par exemple, a un diagnostic d'Huntington, de se dire, ben, est-ce que je veux le dire rapidement à mes proches pour que ces personnes-là puissent faire des démarches auprès de communautés, de personnes dans la même situation et se croiser les doigts pour qu'on ait un traitement d'ici à ce que ces personnes-là aient la maladie, mais elles vont savoir toute leur vie qu'elles ont une maladie neurodégénérative ou on ne dit pas, puis on juge que ça va amener plus de bienfaits de savoir que les proches vont vivre une vie sans avoir cette épée de Damoclès-là au-dessus de la tête jusqu'au moment où la maladie va se déclarer. Mais ça, ultimement, c'est un choix là, qui relève vraiment de chaque individu. Puis c'est pour ça, je pense, c'est important pour les médecins puis pour les personnes, en fait, qui font de tels tests prédictifs, en quelque sorte, de vraiment bien s'informer pour connaître non seulement c'est quoi le test, mais aussi les conséquences des résultats que ces tests-là peuvent apporter. Donc, il y aurait un parallèle, là, partant des questions qu'on a déjà avec le cas de la maladie d'Huntington, qui est différent parce que c'est une maladie génétique, donc on n'a pas forcément besoin d'intelligence artificielle pour savoir. Mais là, l'intelligence artificielle nous amène les mêmes questions pour des maladies qu'on pourrait éventuellement détecter à l'avance par l'intelligence artificielle. Je crois que tu voulais nous parler aussi de la maladie de Parkinson. Oui, c'est exact. Ça aussi, c'est une maladie qui, tout comme l'Alzheimer, en fait, est possible là, de la détecter plus tôt. En fait, le Parkinson, c'est une maladie où on va aussi avoir de la mort neuronale, mais dans des régions du cerveau qui sont surtout associées au mouvement. Puis, par exemple, des techniques pour détecter cette maladie-là, ce serait d'aller mesurer l'activité électrique dans les muscles des patients pour voir s'il y a une diminution de cette activité-là. Mais on s'entend, un tel instrument, on n'a pas ça à la maison nécessairement, donc c'est assez difficile là, de faire une prédiction. Il y a donc une équipe qui se sont dit que, ils ne sont pas juste dit eux-mêmes, là, ça a été démontré que la maladie de Parkinson affectait un peu comment on écrivait, même avant l'apparition des symptômes. Ah, oui. Donc ils vont demander aux patients de faire un trait avec un crayon sur un genre d'iPad, là, en quelque sorte, qui va mesurer comment est-ce que les patients font leurs traits, quelle angle, c'est quoi l'angle du crayon, la vitesse, la direction, tout ça. Puis la machine, elle est capable, avec ces informations-là, de dire si la personne est prédisposée à avoir la maladie de Parkinson ou si ça va être une ou pas. Et bien entendu, c'est sûr que c'est important de prendre en compte l'histoire familiale de la personne et beaucoup d'autres facteurs pour donner une réponse, mais je crois que la neuroscience va surtout vers le diagnostic là, précoce des maladies neurodégénératives, puisque non seulement on a besoin de traitements efficaces, mais souvent plus tôt on le sait, plus tôt on est capable de faire quelque chose pour la personne ou de prévenir là, une mort trop importante des neurones. C'est vraiment très intéressant. Alors, merci beaucoup, Maxime, pour cette plongée dans l'intelligence artificielle et dans notre cerveau. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Je rappelle que Maxime Kusik est étudiant au doctorat en médecine moléculaire au laboratoire de Steve Lacroix à l'Université Laval.